sans doute une vague à l'âme. Quand tu vogues du côté de Shanghai, tu étais jeune, tu avais de l'avenir, comme disait si bien l'amiral. Quand il t'a donné cette médaille, tu étais fière dans ton uniforme, car tu posais pour le photographe. Quand on est jeune, on s'invente une famille, et puisque l'on aime les voyages, on en prend pour 20 ans. Et vive la quille. Capitaine, poète, tu es encore en avance. Mais tes rêves sont toujours en retard. Capitaine, poète, tu n'as pas de chance. Il est l'heure. Ce soir tu es encore de quart. Ton bateau ivre est un navire de guerre, et tu passes ta vie au gouvernail. Tu vis tranquille, tu attends la retraite, où tu te referas une vie. Tu gagneras d'autres médailles. Capitaine,